Bismillah ar-Rahim. On rentre aujourd'hui dans le sixième ders de ce livre qui est Zajr wal-Bayan, l'Idu'at, al-Hiwar, wa-Takarub, bin al-Adyan. Au début, j'avais dit qu'il y avait à peu près 80 mafsada, il y a des conséquences de cet appel que le Shir avait énuméré, et en fait, je m'étais basé sur l'index à la fin du livre, et en réalité, je crois qu'il y a une erreur d'impression, car il y en a plus que cela, il y en a 106 à peu près. Quoi qu'il en soit, certaines se répètent, donc en réalité, je ne vais peut-être pas toutes les citer pour ne pas trop allonger le ders. On va citer les plus importantes, mais bon, certaines, celles qui ne sont pas citées, sont vraiment, soit sont répétées, ou soit sont vraiment très courtes. D'accord ? Et elles ne sont pas nombreuses. Et en même temps, le PDF, je n'ai pas trouvé le PDF pour ce livre. Allah Alam. On verra si on le trouve pour le diffuser, pour ceux qui veulent tout. Ceux qui ont la capacité de lire en arabe. Allez, Barda Zakrala. Fil Mafsada al-Hadia wa Salathin. La 31e conséquence de cet appel. Fihi al-Musawa bina Zaharat al-Muslimin al-Lati fiha al-Khayr al-Azim fi al-Dunya wa al-Akhira wa Najasat al-Kafirin al-Lati. Donc il a dit que cela amène à égaliser entre la pureté du croyant et l'impureté du mécréant. Et bien sûr, l'impureté du mécréant, il y a une divergence. Est-ce que c'est une impureté concrète ou abstraite? Et ce qui apparaît comme étant le plus correct, c'est qu'elle est abstraite, pour preuve qu'on a le droit de se marier avec les kitabiyat, donc on a le droit de les toucher, d'avoir des rapports avec elles, car si elles avaient une impureté concrète, toucher l'impureté concrète volontairement, délibérément, ce n'est pas permis. Ou pareil avec nos parents, si nos parents, nos proches sont des koufars, on a le droit de les toucher, embrasser nos mères, nos sœurs, nos tantes. Donc ce qui paraît comme le plus probable, c'est qu'elles ne sont pas, une impureté concrète, mais abstraite. Naam. Thumma qala fi thaniya 30. 32e conséquence. Fi jawaz 'itq rukba min al-yahud wa nasara fi al-kaffarat. Cela amène à permettre de pouvoir libérer les esclaves qui soient juifs et chrétiens lors des expiations. Comme lorsqu'on a, mesalène, juré, lorsqu'on a juré et qu'on n'a pas tenu notre serment, ou un vœu qu'on aurait fait et qu'on aurait rompu avant de l'accomplir, il y a une kafara à faire, une expiation à faire, et parmi elles, pour ceux qui l'ont, c'est de libérer un esclave. Et la condition là-bas, c'est de libérer un esclave croyant. Comme a dit Ta'ala, « Fatahlir rukbah mu'mina ». Ce verset, et le fait de libérer un esclave croyant, à la base, ce verset est venu dans Surat An-Nisa, par rapport à celui qui a tué un croyant par erreur. Ça rentre dedans également, je vais le citer. Et les ulama ont dit que cette condition de croyant est également valable pour le serment et pour le vœu. Taux d'expiation. « Thumma qala as-salis wa salasin » فيه القول بمساواة بين المسلمين. Cela amène également à égaliser entre les musulmans entre eux. Alors qu'à la base, ils ne sont pas tous pareils. Comme a dit le Ta'ala, afana jalul muslimin et kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Que Allah Azza wa Jal dit que nous n'avons pas égalisé entre les croyants et les criminels. Également dans d'autres versets, entre les pieux et les pervers. Car si on égalise entre les juifs et les chrétiens, alors, plus forte raison, on va égaliser entre les musulmans. Et cela n'est pas correct, cela n'est pas juste en islam. Thumma qala Rabi' wa Thalathin. 34e conséquence. Fi jawaz daf az-zakat il-kafirin. Cela amène à pouvoir donner la zakat aux mécréants. Également, c'est une masala sur laquelle il y a eu khilaf. Et ceux qui voient qu'il est permis de donner aux mécréants, c'est à l'époque lorsque l'islam était faible pour se protéger et réaliser les cas. Une fois que l'islam est devenu fort, comme l'imam Nawawi, il dit qu'on n'a pas donné la zakat aux mécréants. Wa dalil qawlu ta'ala innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Que cette sadaqat, à la base, est destinée à 8 catégories de personnes. Les pauvres, les indigents, ceux qui sont chargés de les réunir, c'est-à-dire d'aller chez les gens pour aller chercher les zakawat. Également pour les cœurs qui sont à gagner. Et certains ont dit que le cœur à gagner, le kafir dont on espère un bien, peut entrer dedans avec divergence sur la question. également pour celui qui serait endetté pour le voyageur. Donc le kafir à la base, donc pas dans les huit catégories, donc égalisé entre nous et eux, amènerait à leur rendre cette zakat acceptable. Wa kadhalik, parmi les preuves, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى وَأَعْلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dans le hadith de Mu'az, parce qu'il a envoyé Mu'az au Yémen, qu'il a averti de comment s'y prendre avec les gens du livre là-bas, et il a dit, et apprends-leur que Allah leur a imposé une aumône, c'est-à-dire la zakat, qui est prise de leurs biens des riches et qui doit revenir à leurs pauvres, c'est-à-dire parmi les croyants. Donc ce hadith dit bien que la zakat en réalité revient aux muslimines faqat. Qala al-khamis wa salafin. 35e conséquence. Fi jawaz al-imara fihim. Cela amène à ce qu'il soit permis d'être sous leur gouvernat, sous leur autorité. Car il sera permis aux juifs, aux chrétiens d'être gouverneurs. Ou d'être responsables dans les choses qui touchent à la gérance des états des muslimines. Car ils sont égaux. يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Et que Allah n'accordera aucune autorité sur les croyants. C'est-à-dire, légitimement parlant, on parle. Maintenant, dans les faits, malheureusement, c'est une chose que l'on voit, que l'on constate, qui se déroule. Quoi qu'il en soit, et donc, cela amène à cela. ثم قال في السادس والثلاثين في عدم الخروج على حكام الكافر أو حاكم الكافر. 36e conséquence, cela amène à ne pas permettre, à interdire de sortir contre le gouverneur mécréant. Chose qui, à la base, demande des conditions, comme par exemple, lorsqu'on a vu de lui une mécréance claire, on dit bien claire, sans ambiguïté, il est permis de sortir contre le gouverneur mécréant qui a autorité sur les musulmans. Et cela avec des conditions, comme les ont émises les ulama, Cheikh Albani, Cheikh Othaymin et d'autres parmi les savants contemporains. En premier lieu, d'avoir la capacité de le faire. C'est-à-dire que les muslimoules sont moyens de pouvoir le faire. Ils ont les moyens de le faire. Deuxièmement, que cela n'amène pas à la division entre les muslimines, qu'il y ait des combats entre eux, internes. Également, il faut que le remplaçant soit présent. Et meilleur, bien évidemment, meilleur que celui qui sera destitué. Wa'akaba. Et ça veut dire que pour amener à destituer un gouverneur mécréant, il n'est pas permis d'avoir besoin de demander de l'aide aux koufars. Ils n'ont pas rentré là-dedans. Ça, c'est une chose qui se règle entre muslimines. Contre le gouverneur qui est mécréant. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que l'auteur a dit, cela amène à ce qu'ils soient interdits de sortir contre lui, car à la base, on ne sort pas contre le hakim muslim, croyant. Donc, eux, s'ils le mettent comme étant un croyant, on est obligé de l'obéir, de rester sous son autorité. As-sabir wa salathun. 37e conséquence. Fi jawaz al-amr bi-nusrati lahum. Cela amène à pouvoir les secourir. Si demain ils ont affronté, ne serait-ce même que des muslimines, il est permis de les secourir contre les muslimines. Car ils sont des croyants. Ils ont les mêmes droits, selon l'appel de ces gens-là. Wa adama yajuz. Car le nusra n'a lieu que entre les muslimines, comme a dit Ta'ala. Fil aya wa nistansarukum fi din fa alaykum an-nasr. Et que si jamais vous demandez de secours, alors secourez-les, c'est-à-dire les croyants. Et cela n'est pas valable pour les kuffar. Qal donc la famine wa salafin 38e fi tawalli man hada Allah wa rasulahu. Cela amène à pouvoir s'allier à ceux qui sont opposés à Allah et son messager. Et ça, c'était l'épreuve déjà au début des durus, que cela n'est pas permis. وكذلك في التاسع وثلاثين 39e في إثبات الإيمان لهم. Cela amène alors à affirmer qu'ils ont la foi. Et ça également, on a parlé déjà au début qu'ils sont des koufars, avec les preuves. Comme au début on a un peu tardé, on a fait beaucoup de commentaires, ça a pris plus de d'audio que prévu. Je voulais à la base en faire une dizaine au moins par audio. Au début j'ai un peu tardé. Inch'Allah, on va un peu accélérer. Quand même, on va un peu accélérer dans le rythme, histoire de ne pas trop s'attarder, car c'était à la base les doulos faits pour une occasion particulière. Qala fil arba'in, 40e, fi al-qawd baynahum wa bayn al-muslimin. C'est-à-dire que, 40e conséquence, que le prix du sang du moins qu'il est permis de tuer, selon leurs règles à eux, de tuer un croyant qui aurait tué un mécréant. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yuqtal muslim bi kafir. Comme a dit al-Bukhari, un d'Abi Juhayfa, qu'il est dit qu'il n'est pas permis, à la base, parce que vous savez, comme c'est dans les lois du talion, dans le Qisas, comme on dit, que lorsqu'on tue un musulman délibérément, soit on exécute le tueur, d'accord, ou soit alors également il paye le prix du sang, ou soit les alliés, les proches du tueur lui pardonnent. Et là, il doit jeûner 2 mois d'affilée. Cependant, si demain un musulman vient tuer un mécréant, même volontairement, on n'exécute pas un musulman pour lui. Là, donc là, selon eux, ça va mener à cela. À ce qu'on tue un musulman pour lui. Et là, on parle bien, dans les cas, d'un état où la charia est appliquée, bien évidemment. Quand même, pas dans les choses qui se passent aujourd'hui dans la vie courante, et comme les choses elles se déroulent dans la presque totalité des pays d'islam, et même chez les koufars. Ça ne nous revient pas. Quand on a le hadi ou l'arba'in, 41e conséquence. Fihi, atakafu bayna dima'il muslimin wa dima'ihim. Cela amène à ce que le prix du sang soit égal entre nous et eux. Tamam? Ça veut dire qu'à la base, lorsque l'on blesse un musulman, comme on dit dans Talion, tu payes, par exemple, tu lui as blessé la main, ou tu lui as coupé la main, ou le pied, tout cela, ça a des prix qui sont établis dans les kutub de fiqh. Combien tu dois payer? Tu lui as crevé un œil, tu lui as cassé une dent, ainsi de suite. Et cela amène à ce que le prix du sang à payer pour le mécréant soit le même que pour le musulman également. Chose qui n'est pas le cas à la base, shar'an. Et ça revient également au prix au Thani wa Arba'in. 42e, il y a des conséquences, ça amène à cela. À ce que le prix du sang soit égal. Attends, après on va passer la 43e ainsi que la 44e pour passer à la 46e. Qala fi ilgha fawariq al-libas wa jawaz al-tashabbuh bihim. Donc la 46e conséquence, cela amène à rendre permis le fait de leur ressembler et de porter leurs vêtements qui leur sont propres et spécifiques. Et ça, on a déjà dit au début qu'il est obligatoire de les contredire, de se différencier d'eux. Al-Sabi wa Arba'un, 47e conséquence, fi qaboul shahadatihim wa ta'dilihim. Cela amène à accepter leur témoignage ainsi que leur éloge, chose qui n'est pas le cas en islam. Ce que le kafir rapporte comme témoignage, à part ce qui est mutawatir, qui touche aux choses générales, on peut l'accepter, mais ce qui touche aux droits des gens, demain par exemple un mécréant témoigne qu'il a vu tel muslim tuer tel muslim, on ne prend pas son témoignage. Et autres, surtout dans le prix du sang. Thumma qala fi thamin wa arba'in, 48e. Fi jawaz dukhulihim al-masajid ou al-masajid al-haram. Cela amène à ce que le masjid al-haram leur soit permis qu'ils rentrent dedans. Fi baytillah, à Mecca. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Ô vous qui avez cru, les adorateurs ne sont que impureté, qui n'approchent pas le Masjid al-Haram après cette année-là. C'est-à-dire que là, c'était au moment où cela a été décrété qu'il aurait été interdit de venir faire le Hajj ou toute autre adoration à Mecca. Donc en disant qu'ils sont égaux avec nous, qu'ils sont nos frères, on ne peut leur interdire l'entrée au Masjid al-Haram. التاسع والأربعون 49e في جواز استيطانهم في جزيرة العرب. Cela a permis qu'ils puissent habiter dans la péninsule arabique. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il faut les expulser de la péninsule arabique. Ils n'ont pas le droit d'y vivre. Donc selon leur dire à ces gens-là, il aurait permis de vivre là-bas. Bien qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas. Mais shar'an, cela n'est pas permis. À part dans des cas précis pour... dans des cas de besoin ou de cas précis, quand on dit qu'ils n'ont pas le droit de s'y installer, c'est-à-dire d'y vivre, définitivement. Maintenant, s'ils viennent temporairement pour une chose, pour une raison, pour un besoin, là, c'est autre chose. Quand l'un fil khamsin, fi rida bi jamir mu'amalatihim. Cela amène à agréer tous leurs échanges. Tout ce qu'ils font comme échange, cela amène à ce qu'on agrée. Par exemple, ils font des échanges avec du riba, on ne peut rien leur dire. Ou en vendant de l'alcool, ou des choses qui sont interdites pour nous, on ne peut rien leur dire. الحادي والخمسين 51e conséquence في قبول أخبارهم ورواياتهم. Cela amène à ce qu'on accepte totalement leurs informations et ce qu'il rapporterait comme chose même lié à la religion. Comme a dit l'imam Bukhari, un Nabi Hurayra, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la kitab, ou la. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, ne croyez pas les gens du livre, ni ne les démentez. Donc, normalement, si le kitab il vient avec une information, ni on ne la dément si on voit qu'elle ne s'oppose pas au texte, ni on ne l'affirme. À part si on voit qu'elle s'oppose à qu'elle coordonne avec la religion. Sans quoi, demain, il nous affirme d'une chose, on n'a ni le, nous on le croit, ni on le dément. Et bien, en croyant ces gens-là, cet appel de l'unité des religions, ça nous appelle à accepter cela, justement, au contraire. Quand la fissani wa al-khamsin, 52e conséquence, fihi, لا يقتل جريحهم في الحرب ولا يجوز سبيهم ولا أرض غنائمهم. Cela amène à ce que l'on puisse, lors des combats du jihad légiféré, avec les conditions remplies, avec le gouverneur, tout ce qui s'ensuit, d'accord, cela amène à ce qu'on ne puisse tuer leurs blessés, ni de prendre le butin de leurs biens. Et bien évidemment, les faits ont démontré que les sahabas et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam agissent différemment. قال في الثالث والخمسين 53e conséquence il rabab el razou wal jihad. Cela amène à fermer la porte du jihad et de la conquête si bien sûr les conditions étaient remplies. Aujourd'hui on peut le faire dans le hal dans lequel on est actuellement, mais si jamais cela avait été le cas, selon l'appel de ces gens là ça amène à abolir ce jugement comme encore le ta'ala قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Quand le verset Allah Azza wa Jalla dit et combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui ne rendent pas illicite ce que Allah et son messager ont rendu illicite et qui n'appliquent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya alors qu'ils sont avilis. Et ça on l'a dit auparavant. قال في ربيع والخمسين 54e conséquence فيه أن التكارب مع الأديان رهبة أو رغبة عند ملة إبراهيم. Cet rapprochement des religions ça amène à se détourner de celle d'Ibrahim عليه السلام comme قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نفسه ولقد اصطفى إنه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Que celui qui se détourne de la Millah religion de Ibrahim ne s'éduque qu'à lui-même. Alors que nous l'avons élevé, c'est-à-dire Ibrahim, en ce bas monde, et dans l'au-delà et parmi les gens pieux. Et à la base, comme encore le Ta'ala, قُلْ صَلَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ. Dans le sens où Allah dit, dit que Allah dit vrai, et suivez la religion d'Ibrahim, pure, sincère, et il n'était pas du nombre des associateurs. Donc, en acceptant le rapprochement de leur religion et de leurs agréants, cela amène à s'éloigner de celle d'Ibrahim alayhi salam, qui lui était innocent de ces gens-là. Thumma qal طيب وصلت له اليوم وصلنا واصل في درس القادم ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.